Amama, bonheur de Newadé. Quand nous fûmes encore à Paris, Bruxelles, Genève, oh, on a qu'à Zeuserland. Et puis les Valois. Loukaba! Ah oui, tu l'as dit. Y'a que les, y'a que les, y'a que les.